découvert sur Skyrock aux côtés des psychiatres de la rime. C'est Alonso Papé. Planète Rap. Let's go. Planète Rap exceptionnel sur Skyrock avec Alonso. Are you ready for this? En direct et pendant une heure complète. Skyrock. Planète Rap. C'est maintenant sur Skyrock. Et c'est reparti pour une nouvelle semaine. Bonsoir, bienvenue et quelle semaine. On est ravis de l'accueillir tout droit arrivé de Marseille, je pense, non, Alonso? Exactement, non, je suis là depuis hier soir. Ah bah. J'étais en showcase. Ah, tu parles d'un... Donc depuis 24 heures, il est là à Paris. Exactement. Mais voilà. Il est aussi dans toute la France, puisque nous sommes un peu partout. Et on est content de te recevoir, puisque c'est l'album numéro 1. Exactement. Voilà, on tu t'es réveillé ce matin, tu devais être content, non? On arrive en King. Voilà. J'ai mis même le survêtement du King de CR7. J'ai vu Ballon d'Or, voilà. Avec le survêt du Ballon d'Or. Voilà. Et cet album qui s'appelle Règlement de compte, que l'on va découvrir, il est sorti aujourd'hui, hein, je le dis bien. Exactement. Et déjà numéro 1 des ventes sur iTunes. Vrai? Incroyable. C'est bien, ça fait plaisir. Ça fait plaisir quand même. Il répond présent. Merci beaucoup à tous. Bon, on va en parler évidemment. On va parler un petit peu de la construction de cet album. Tu es venu avec quelqu'un qui a été important aussi autour de cet album. Le réalisateur Spike Miller. Qu'on ne présente plus. Oui, il faut préciser. Le célèbre Spike Miller. Il a de son petit nom, mais Spike Miller normalement. Spike Miller boss, tout le monde sur la rage. Il est kidnappé, il reste à Marseille. Ah, ça y est, c'est... Ouais, c'est définitif. Là, il y a le best French rapper alive et le best French réalisateur alive. Il a changé, hein, Spike Miller. Ah, mec, ouais, j'ai l'impression qu'il va faire son album lui aussi. Écoute-moi, là. Magal, il est en pleine confiance. On est en confiance de fou. Je crois qu'il s'apprête à faire aussi un album. Méfie-toi, il va venir sur ton terrain là. En plus, attention, hein, dans l'écriture, il était à côté de moi. Des fois, il m'envoyait des punchs. Il est pas mal, hein. Et ben on aura aperçu cette semaine. Et t'es arrivé, tu m'as dit, moi ça y est, je suis chaud, je veux kicker d'entrée de jeu. Ouais. Allez, hop, je fais beaucoup de showcase. Donc on va rentrer dans ce planète rap en mode showcase. Et ben allons-y au règlement de compte. C'est parti maintenant, coup d'envoi en live. C'est un extrait de l'album que tu nous même fais pas, même c'est pas. Un truc j'ai balancé. En plus c'est un cadeau comme ça. En 2014 j'ai envoyé beaucoup de trucs. Ah ouais. Tu vois, j'ai envoyé beaucoup de trucs. Donc ça fait partie des choses que j'ai envoyé. J'ai dû envoyer au moins 11 titres, 8 clips. Non, très productif, ouais. Voilà, j'ai pas chômé. Donc histoire de rentrer ça en live, Spike Miller il est prêt, c'est comment? Aïe. Aïe, le NZ, au mamé, c'est le capot des capis. Célébrons notre fête nationale, 26 janvier, RDC dans les bacs, Marseille, 13. Mais vas-y, mets une prod. Dis-le. On va envoyer un petit freestyle avant la fin. Hey, mamé, c'est le capo des capis, hey, mamé. Grosse dédicace à tous ceux qui suivent. A-L-O-N-Z-O. Ok. Yeah. Course poursuite, j'ai pris une cuite, nerveuse conduite, je me tue la santé. Je suis avec Meud, Kelly, mes Spike, j'envoie des rafales, je vais les faire ramper. Quartier Nord, qu'on mette en or, la chaîne en or, la sacoche est élevée. Torse nu, je marche dans la rue, c'est pas que dans les clips, il fait 40 degrés. Ensorcelé, je rappe pas folie, possession d'armes, je compte avec gangsters. Casque intégral sur un cheval de fer, chez nous fumer le shit, c'est presque alimentaire. Placement de produit, je parle pas de lunettes, je tamponne Alonso sur la plaquette. T-R-E-I-Z-E, j'ai un plan bleu, viens. On va parler affaires, on est au bar. Transaction, ça chuchote à l'oreille. Dans le jukebox, y'a du cœur Cobain. C'est des cowboys qui me donnent des conseils. Pour les grosses folles, sucez mes potes. Je vous ferai une dédicace sur vos grosses fesses. Après vous irez au bon maître faire le parloir. Y'a mon petit frère qui a besoin de peps. Pas tant de tranger, ça gratte à l'étranger. Encore placard en codeuse. À ma bella, baisse mes bas. J'ai qu'un billet de 500 madame la serveuse. AMG, classe A, j'ai le plan B. Pour ne pas finir au bâtiment C. M-A-R-S-E-I-D. Deux L, tu me suis, ça rétrograde. Ah, c'est le rallye, là je suis un poli. Comme Balotelli, sable de l'Italie. Personne me salit, je plaide pas la folie. Tic-tac dans le colis, les paoli. Ça fait des gros tubes, dangereuse et la street. Si tu me dois un lit, je vais te faire danser. Règlement de compte, c'est le nom de l'album. Je vois que tu t'excites, j'ai même pas commencé. Je nique ton bénéf, ton gérant chinef. Des max tout neuf, noir mat couleur. Volcaré bulle à ma table, t'as vu ta meule. On a peut-être trop bu, je m'en nique ta l'heure. Je suis en concert, sur Jupiter. Les places sont en vente à la NASA. Prévez ton équipe. Keep trying to sortir, attendez-vous au pire. Ça va crier aha, capo. Aha, l'album est dans les bacs. Pour ceux qui soutiennent A-L-O-N-Z-O, allez-y, vous le procurez. C'est chaud, chaud. La nouvelle fête nationale aujourd'hui. Exactement. Désormais, chaque 26 janvier. Voilà, ça sera un jour férié. Pour célébrer la sortie de cet album qui est dans les bacs depuis aujourd'hui. Nouvel album solo. Yes. Qui a été quoi? Plus simple à faire que les précédents? Ou t'as travaillé différemment ou pas celui-ci? Ouais, plus simple, je crois. Plus c'est simple parce que je me suis vraiment amusé. Je me suis vraiment amusé. J'ai pris plaisir à faire ce disque. C'est le fait d'avoir un réalisateur à côté de toi. Ça te permet déjà de pas avoir plusieurs casquettes. tu vois, de recevoir les pros, de faire le tri. Ça, c'était nouveau d'avoir vraiment quelqu'un comme Spike à tes côtés. C'est nouveau, et même en France, tu sais, en Amérique, ça se fait beaucoup. Ouais. Mais en France, il n'y a pas beaucoup de réalisateurs. Nous, les rappeurs, on veut être. Un petit peu Teufa qui a bossé sur des gens comme Teufa qui ont bossé sur des albums comme Diams, comme Lino encore récemment. C'est vrai, ben c'est des albums à chaque fois réussis. Mm. Là, tu parles de l'album de Lino, par exemple, que je trouve très réussi. Voilà, moi je l'ai écouté, Avec je l'ai acheté. Il est magnifique. D'ailleurs, j'ai félicité Teufa parce que je l'ai vu dernièrement. Et voilà, c'est très important un réalisateur. C'est vrai recul. C'est vrai qu'en France, on a encore un petit peu de mal. Grave. Et on veut être au four et au moulin. Tu vois ce que je veux te dire? On veut pas laisser la place aux gens qui savent bien faire les choses. Même ce que t'expliquais tout à l'heure quand tu disais que Spike était là, qui balançait parfois quelques punchlines. Ouais. C'est vrai que même certains artistes ont du mal à avoir, alors peut-être pas tous les textes, mais écrits par d'autres. Alors qu'aux États-Unis, c'est quand même assez courant. Hein. Ça, c'est à l'ancienne. Parce que tu sais, moi j'ai bossé avec des jeunes, des frais. Tu sais, maintenant à l'heure d'aujourd'hui, chaque rappeur il a 10 DA autour de lui. Tu viens en studio, le rappeur il est là, mais il y a 10 potes autour de lui. Et ça se passe comme ça maintenant, je pense. Voilà. Et bon, on va pouvoir découvrir cet album, mais juste avant, on va aussi revenir évidemment sur ta carrière à Londres. Yes. Elle commence à être longue, mine de rien, cette carrière. Tu vois, j'ai laissé pousser la barbe et tout. C'est que, je sais pas, toi à titre personnel, quel bilan t'en fais, mais. Positif. Positif. Franchement, positif. À un moment donné, aujourd'hui, je pense qu'avec mon groupe, on a traversé le temps. Mmh. On a traversé le temps. On a vu beaucoup de groupes s'éteindre. Tu vois, moi, souvent, je prends pour référence, par exemple, Urban Peace, où on est le seul groupe français à avoir fait les trois volets. Et à chaque fois, il y avait des groupes qui disparaissaient. Tu vois, et aujourd'hui, je pense que c'est une belle reconnaissance. Donc, c'est positif. Et ben, on va se replonger dans la carrière discographique d'Alonso avec ce petit medley qu'on t'a préparé. Aïe. Ce début de semaine. Ce soir, Skyrock reçoit Alonso Papé pour une heure d'exclus et de total direct. Hey yo Alonso, quoi soprano, on se croirait aux os, pareil que non, mec du réseau, squat le réseau. Skyrock, c'est dingue, psycha de la rime sur Skyrock, c'est dingue, c'est dingue. Respect à la génération 86, les aînés perdus, dealer Galito, peace. Quand la nuit tombe, toute la ville. Enlève-nous le sang, t'en repense le plus. Ton mec est taillé comme une armoire. On s'en bat les couilles. On a l'habitude de déplacer des meubles avec les douilles. La musique de Dark Vador, on a plus 40 grégous. Que des faibles parmi vous. La support est avec nous. Si t'es jaloux, y'a rien à faire. Y'a rien à faire. Y'a rien à faire. Y'a rien à faire. Planet Rap. Wow. RS4, pas de plaque. Magadji c'est une Bagdad. Kalash ou le clic-clac. J'ai bu 4 packs. La belle ville zin. La belle ville zin. La belle ville zin. On a bu 12 packs. Vous écoutez le son de la danse des guiris là. Planet Rap. Costard, clope au bec, boule au bloc. Tout sa terre, c'est la guiri guiri. Mafia, star, populaire. Et tu connais le remix. Et nous on danse le guiri. Cool, en vous comme Eric. On fait cadeau la guiri. Gangsta, et puis merde. Faut les lobes, faut les faire. Trop de swag, on débarque. Lourd, quoi, c'est l'hiver. Et tu connais le remix. Et nous on danse le guiri. Cool, en vous comme Eric. On fait cadeau la guiri. Yeah. Désolé maman, mais j'ai dû le tuer. À la sortie de l'autoroute, au volant de son destin, il s'est mis à prier. En espérant que Dieu l'écoute, il m'a supplié, mais je l'ai fumé. Désormais chacun sa route, il m'a supplié, mais je l'ai fumé. Maman, mais le corps, on essaie de rester réglo, on est ensemble, tu ne vis pas tout seul. On s'habitue à toutes nos peines. Et combien d'entre vous nous comprennent? On a tous traîné dehors, traîné dehors, traîné dehors. Et nous on a grandi sans gêne. On s'habitue à toutes nos peines. On a tous traîné dehors, traîné dehors, traîné dehors. Les années passent comme les mois comme les semaines passent comme les jours. Et l'Afrique saigne, qui tient les rênes? Le monde est stone. Ils veulent nous anesthésier. ici l'esprit. Nous disent que le paradis est ici. Bon baby, c'est stop. Le monde est stop. Une avancée technologique. Au lieu de soigner nos hémorragies. C'est les Planète Rap sur Skyrock. Côté cramé, y'a des mecs des quartiers nord qui n'ont jamais vu le vieux port. Tellement que ça charbonne à la muerte. Aucune des projets d'avenir sont de côté. Car chez nous l'urgence vit au jour le jour. Il reste que des principes, un héritage qu'on reversera au nouveau-né. Chante Jeunesse France. Jeunesse France. Jeunesse France. Let's go. Sky Rock, Planète Rap. Jusqu'à 21h sur Skyrock. Le monde est énorme. Ici c'est 50-50 fois énorme. On suit pas les critères imposés par l'homme. Pareil pour nos textes. Oublie, et c'est énorme. Ici c'est 50-50 fois énorme. On suit pas les critères imposés par l'homme. Pareil pour nos textes. Tu vois que je réponds pas, pourquoi tu insistes? Forceuse qui traîne dans les loges des artistes. T'as une dent contre moi, oh que c'est triste. Tiens, prends le numéro de mon dentiste. Tu voulais les lover à profusion. Voilà un petit aperçu, je dis petit aperçu parce qu'on aurait pu tenir au moins pendant toute la semaine en medley. Tu m'as fait voyager là. On a voyagé un petit peu dans les albums de Psychiatre, dans tes albums solo aussi. C'est ça. Avec, pour conclure, tourner vers l'avenir, hein, ce morceau dans ton sac. C'est dans ça. Dans son sac. C'est ça. Avec Gims aussi. C'est ça. Et qui est sur l'album, donc nouvel album d'Alonso. Yes. Je te demandais tout à l'heure où est-ce qu'il avait été plus compliqué à faire, mais a priori donc plus simple. Est-ce que toi, t'as l'impression d'avoir entre guillemets grandi artistiquement aussi, même autour de cet album? J'ai beaucoup appris. Aujourd'hui, tu vois, j'arrive à prendre du recul sur mes morceaux. Chose que auparavant, quand je faisais un titre, j'étais sûr de moi et j'étais un peu tête dure. Tu vois, même s'il y avait des gens autour de moi, mais j'écoutais peu. Tu vois. Et je confirme. C'était la folie. Hein. J'écoutais peu et aujourd'hui j'ai appris à faire confiance à mon entourage, à mon réalisateur. Et comme je te disais, tu vois, à partir du moment où eux, ils kiffaient, j'allais plus chercher plus loin. Quoi. Toi, Spike, c'était ça un petit peu le défi autour d'Alonso, lui faire comprendre que voilà, fallait tester des choses, qu'il fallait pas forcément rester sur des acquis. Bah ouais, mais ça a commencé déjà sur l'album des Psychiatres, 4D, où je voyais qu'il était super en forme. Et voilà, je savais que c'était le moment où il fallait le faire. Donc cet album, on savait où on allait, on savait qu'est-ce qu'il fallait faire. C'est pour ça qu'on a fait un gros travail d'image depuis février. On a commencé à balancer des vidéos. Ah oui, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de vidéos, beaucoup de sons balancés. Tu disais même sur des petits morceaux, des titres balancés comme ça. C'est ça. Il n'y a pas eu un mois où on a rien balancé. Je pense qu'il y a que le mois de juillet. Je crois que c'était en période de Ramadan. On a un peu calmé les trucs, mais sinon tous les mois. De février jusqu'à aujourd'hui, janvier 2015. Mais même d'ailleurs, quand tu regardes l'album, t'as été quand même très généreux parce qu'il y a eu beaucoup de morceaux extraits de l'album, hein. Ouais. Que t'as envoyé en amont. Ouais, parce jusqu'à ce week-end aussi, jusqu'à. Tu sais, le travail, il se fait avant. Il se fait pas pendant ni après. Oui, il se fait pendant, mais après. Mais le plus important, c'est avant. Tu vois, il faut faire venir les choses petit à petit, rentrer les gens dans ton univers, tu vois, et les mettre en confiance. Alors, justement, c'est marrant que tu dis ça sur l'univers. Est-ce que justement, sur l'univers, tu dirais qu'il y a des choses qu'on bougeait? Parce que même d'ailleurs dans tes morceaux, tu le dis, laissez-moi faire, c'est mon kiff. Grosso modo, c'est mon kiff. Je connais. On est dimanche avec les Psychiatres, j'avais c'est ce discours-là. Maintenant, c'est à Londres. Je suis en week-end, quoi, grosso modo. Non, c'est pas ça. C'est avec Psychiatres, j'occupais bien mon poste. C'est-à-dire le fait qu'il y avait Sopra et Vince qui étaient différents de moi. Moi, j'occupais mon poste bien comme il faut. Ensuite, dans mes précédents disques, j'essayais, je me répète, mais c'est la vérité, j'essayais de faire un album de groupe dans mon album solo. J'utilisais beaucoup de flèches. J'ai beaucoup de flèches à mon arc. Je sais faire beaucoup de choses. Donc j'avais l'impression de faire une compile de moi-même, tu vois. Et j'avais besoin d'un réalisateur pour la cohérence. Et c'est, je pense, ce qu'on ressent sur ce disque. Et les gens qui m'aiment dans Psychiatre, qui m'écoutait à mon poste, aujourd'hui ils ont ce Alonso de la 1 à la 15 et je pense qu'ils sont satisfaits. Eh ben dites-nous, tiens, envoyez des messages avec le hashtag Alonso sur Skyrock, balancez vos messages, dites-nous aussi vos morceaux préférés puisque l'album est sorti aujourd'hui. C'est ça. Donc allez-y, hein, cartonnez, balancez des messages 41759. Le hashtag... magasin, ils l'ont mis je crois depuis jeudi, vendredi. Oui, c'est vrai que j'ai vu des photos passer ce week-end en disant tiens, moi je l'ai déjà. J'ai déjà, ouais. Eh oui, toi, quand c'est pas toi qui a décidé que les gars, vous allez la voir chez vous, ça fait mal au cœur, mais en même temps, ça fait plaisir aussi. Bah, c'est qu'il y a une attente. Parce que, exactement. Ça veut dire que les c'est mecs. C'est un mal pour un bien. Viennent donc, tous les jours dans les magasins en disant, ah, vous avez pas l'album d'Alonso. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup à tous ceux qui sont partis le attraper. Et qu'à un moment, les vendeurs en ont marre en disant, mais s'il est en stock, allez hop, chut. Voilà. Prends le barre-toi avec, on n'en peut exactement, plus. Exactement. C'est voilà. Ça. Bah, dites-nous, envoyez vos messages, vos morceaux préférés, 41759. On balance le dans son sac. Pourquoi pas? Allez, c'est parti sur Skyrock. Go! Hey, hey. Oh, hey, oh. Tu voulais des lovés à profusion. Tu voulais les femmes d'Afrique et l'Occident. Mais la la la la la, c'est la confusion. La la la la la, t'as fini dans son sac. Et sans Chanel Boy, sans Bé. Et sans Chanel Boy, sans bébé. Et sans Chanel Boy, sans petit. Sans Chanel Boy, sans bébé. Sans Chanel Boy, sans précieux. Et sans Chanel Boy, sans bébé. Sans Chanel Boy, sans précieux. T'as fini dans son sac. Pour moi t'étais un chapitre. Et pour toi moi j'étais un livre. Je t'ai vu dans les bras de ce mec au RSA. Tu priais pour que je te délivre. On me soupçonne d'être un cisdro. Je ne regarde pas les prix mais les logos. Trop chaud. Je vois que tu fais la belle, que tu calcules pas. Mais à la fin tu veux mon bigot. Elle me dit je t'aime, je lui réponds je t'aime bien. Si l'amour est aveugle on va tout droit dans un ravin. À la tombée de la nuit je tiens plus en place. À la tombée de tes seins je vois que le temps passe. Tu voulais okay. Des lovés à profusion. Tu voulais les femmes d'Afrique et d'Occident. Mais la la la la la, c'est la confusion. La la la la la, t'as fini dans son sac. Et sans Chanel Boy, sans petit. Et sans Chanel Boy, sans bébé. Et sans Chanel Boy, sans petit. Sans Chanel Boy, sans bébé. Sans Chanel Boy, sans précieux. Et sans Chanel Boy, sans bébé. Sans Chanel Boy, sans précieux. T'as fini dans son sac. C'est pas parce que je porte une montre que j'ai le temps. J'ai liké ta photo, t'as fait une capture d'écran. Faut que tu redescendes en vitesse, en maillot de pièce. J'ai l'impression de voir un éléphant. Fais ce que ça dit au plan d'Ao. Paraît que la gadi d'Alonso c'est une vraie Bagdad. Waouh. Et toi t'es piqué par une fake. Tu l'as jamais vu, tu lui fais des chèques. Tu vois que je réponds pas, pourquoi tu insistes? Forceuse qui traîne dans les loges des artistes. T'as une dent contre moi, oh que c'est triste. Tiens prends le numéro de mon dentiste. À profusion. Tu voulais les femmes d'Afrique et d'Occident. Mais la la la la la, c'est la confusion. La la la la la, t'as fini dans son sac. Et sans Chanel Boy, sans petit. Et sans Chanel Boy, sans bébé. Et sans Chanel Boy, sans petit. Sans Chanel Boy, sans bébé. Sans Chanel Boy, sans précieux. Et sans Chanel Boy, sans bébé. Sans Chanel Boy, sans précieux. T'as fini dans son sac. Sans Chanel Boy, sans précieux. Sans Chanel Boy, sans bébé. Sans Chanel Boy, sans précieux. Sans Chanel Boy, sans bébé. A-L-O-N-Z, on me dit Guarano. On est sous Jupiter, mami. Trop loin. Mike Miller, leader. Sans Chanel Boy, sans précieux. Dans son sac à l'instant, Alonso et Maître Gims. Aussi Gims qu'on salue. C'est un hit ce morceau. Gims ouais. Qui a répondu présent sur l'album. Exactement, comme ouais. Tant d'autres, comme beaucoup d'autres ouais. Attends, on peut dire que quand même les invités Hey, tu sais, quand tu as de la crédibilité, quand tu vois, quand tu blagues pas, ben tu as des invités qui ne blaguent pas aussi. On a entendu le morceau Même Tarif avec Booba. Exactement. Qui est arrivé il y a quelques mois de cela. Gims, il y a Gradure, il y a la crime dessus. C'est ça. Hussein. C'est ça. Et ben qu'on va découvrir aussi durant bien cette sûr. Semaine. Hussein, rappeur du 9-4. Rappeur du 9-4. Très, très, très chaud. Très chaud. Et bah, découvrir toute la semaine cet album qui s'appelle Règlement de compte. C'est ça. Alonso, notre invité. T'as un beau t-shirt, au fait. Oui, t'as vu ça? Il est magnifique. Voilà. C'est nos amis de Fuck Off T qui me l'ont fait exprès pour toi. Et pour ben, rap. Merci beaucoup. Voilà. Il est magnifique. J'espère t-shirt que j'en aurai un. Collector. Hein? On va t'en mettre un de côté. Merci. Tu fais même taille que moi. Ouais. M. M. Bon, on va revenir aussi sur cet album. Combien de temps il vous a fallu honnêtement en studio? À partir du moment où tu dis allez, ça y est, j'y vais. Ben le titre. C'était un travail intensif de combien de mois celui-ci? L'album des Psychiatres, je crois, ouais, il est sorti en 2013. On est parti en tournée. Presque un an. Ouais. Vers là. Un an avec des périodes où tu avais des concerts, où il y avait des. C'est ça. Voilà, presque un an. Et comme je te disais, on balançait beaucoup de titres. Et des titres de qualité. Donc on se mettait nous-mêmes la pression ouais. Parce qu'on se disait, on a balancé des titres comme Bellucci, comme Boîte à chaussures. Les gens, ils ont beaucoup aimé. Et on se disait, putain. Là, il y avait aussi le COP qui arrivait de temps en temps. C'est ça. Ouais, mais on a mis moins d'un an en fait. Parce que j'ai oublié, l'album il sort aujourd'hui, mais il est fini, ça fait. Ça fait longtemps. C'est déjà. Aussi, 3, c'est vrai. 3-4 mois. Bon, ouais, tu l'as c'est beaucoup vrai. Écouté. Il y a eu beaucoup de morceaux ou pas sur cet album où ça a été quand même. Les 15 titres qui sont dessus, c'est les 15 qui ont été faits. Non, il y a d'autres morceaux. Il y a d'autres morceaux, il y a même des ébauches. Il y a des morceaux, des fois on commençait, des fois on trouvait pas la suite, on le mettait de côté. Voilà, c'était l'usine. Mais là, il y a déjà des morceaux pour le prochain projet, déjà, qui sont prêts. Exactement. Ah, tu le sais, on dort pas. Mais je sais. On dort pas. Bon, entre temps, il y aura peut-être un album des Psychiatres aussi qui arrivera ou c'est pas. Peut-être, je sais pas. On n'a pas fait de réunion encore. On verra. De toute façon, tu sais, on a fait 4 albums ensemble. Là, Yasopra, il y a pas longtemps, il a sorti un album. Qui cartonne. Mashallah pour le frère. Là, il y a mon disque qui est sorti aujourd'hui. Vince qui cartonne. On va revenir. Ouais, pour l'instant, c'est ça. En king, je t'ai dit, on est venu en king. J'ai choisi cette semaine exprès pour c'est arriver à Skyrock en king. Je n'acceptais pas d'arriver 3e, 4e du top, tu vois, ça me plaît pas. T'aurais été déçu, non? Mais honnêtement, c'est, par exemple aujourd'hui, t'étais 3e, 4e. Pas déçu, parce qu'après on sait pas, tu peux toujours basculer. Mais je savais que j'allais être premier. Je te dis la vérité, j'ai confiance en mon public. Je suis très, très confiant du travail qu'on a fait. Donc voilà. Mais tu sens aussi que ça montait depuis. C'est aussi le boulot que vous avez fait en amont. Depuis plusieurs mois, ça monte. Exactement. Depuis plusieurs mois, voilà. Exactement. Il y a une attente en tout cas. Je pense. Que t'as d'ailleurs peut-être pas connu autant sur le précédent projet d'ailleurs, ouais, en mais solo. Je pense que c'est l'année où j'ai le plus travaillé, je crois, de ma carrière aussi. Et c'est vrai que l'attente là, l'engouement, il est vraiment fort. Moi, je le vois parce que je fais énormément de showcase. J'ai dû faire au moins une vingtaine de showcases avant même que mon disque sorte. Et ça c'est du terrain. Tu rencontres les gens et tu vois l'engouement. Il y a des choses que tu as testées d'ailleurs en showcase, des morceaux que tu as testés qui sont sur l'album? Non, on a essayé de jouer sur les titres. Qui ont déjà été balancés. Exactement. Voilà. Et il y a aussi une autre tournée qui débute là le 13 février surtout. Elle est belle en plus cette tournée. Elle est belle cette tournée. Tu vois ça? Qui va t'emmener évidemment à la maison. Dans toute la France. Voilà. Le 6 juin, tu seras au Dôme de Marseille. Ouais, j'ai pris par la fin, mais parce que. C'est ça. J'essaie de mettre bien avec mes amis marseillais. Merci beaucoup. C'est vrai que le 6 juin, c'est notre fête nationale encore. Ouais, c'est notre fête. Voilà. C'est le Dôme de Marseille. Et on va passer aussi le 23 avril à la Cigale à Paris. Mmh. Ensuite, de partout. Bah, rappelons déjà dès le début quand même, parce qu'il ne faut pas négliger nos amis nantais. Jamais. 13 février. 13. On ouvre le bal là-bas. Voilà. C'est la février. Belle vie, le zin, le tour. Exactement. Voilà, ça se passe à Nantes. C'est pour le 13. Après, il y en a plein. Il y a Pontoise, Neuchâtel, Colmar, Nancy, Perpignan, Montpellier. Savigny-le-Temple. Voilà, exactement. On va passer par Lyon, Toulouse, Lille. Voilà. En plus, il y a des dates encore qui arrivent. Donc, restez connectés sur les réseaux sociaux. Allez, checker. Tu es venu avec un cadeau aussi à Londres. Tous les soirs, on a un cadeau, je crois. Ouais. Qui est derrière toi. C'est ça, les amis. C'est Sid. Sid, il est là. Tiens, on va la montrer pour ceux qui nous matent sur l'appli Skyrock ou ceux qui sont sur le Skyrock FM. C'est une magnifique chicha électronique, si je ne me plante pas à Londres. Exactement, c'est mes amis qui sont venus nous offrir ça. Voilà. Donc là, il n'y a plus besoin de charbon, c'est incroyable. Il n'y a plus besoin de charbon. T'imagines, tu branches ça comme ton iPhone. C'est une vraie chicha, je dis ça pour ceux qui nous écoutent juste à la radio. C'est une vraie chicha, c'est-à-dire c'est que ça. C'est... Ok, c'est là, c'est disponible. C'est mais à la place de la partie charbon, il y a une partie technologique. Exactement, je t'ai dit, c'est USB, c'est la folie. Tu sais quoi, tu sens bien le goût. Moi qui n'ai pas trop chicha, je t'avoue, franchement, je me régale avec. Voilà, donc, alors comment on fait pour la gagner tous les soirs à Londres? Je crois que c'est quoi? C'est le freestyle? C'est la freestyle roulette? C'est freestyle. Quoi? Je sais pas, tu dis. Allez, bah on va dire au freestyle. Au freestyle? Chaque freestyler, allez-y, inscrivez-vous. Sont 41, d'accord 7. Les photos? Au freestyle? Allez, ça va. Alors, 41759. Smart chicha. Inscrivez-vous, vous repartez avec la chicha électronique rapportée par Alonso. Tous les soirs, il y en a une pour vous. 41759. Ceux qui n'ont pas les images, on va la mettre sur le planetrap.skyrock.com également. Hein. Pour découvrir cette chicha électronique. Et on revient dans un instant. Bougez pas, le retour du son. Qu'est-ce qu'on met à Londres dans quelques minutes? Il y a monsieur Spike Miller qui veut enchaîner avec des hits. Voilà, bah, vois, il a raison. Il est rentré dans la brutalité avec du carré VIP et tout, mais lui, il veut. Il a raison, il a raison, Spike. La belle vie, tu vois. On va laisser le dernier mot ouvrir le bal. Les 8-9 millions de vues, presque 10 millions de vues, il va enchaîner avec ça, lui. On va remercier tous ceux qui nous ont soutenus depuis l'ouverture du bal. Ok, PDD, ok. Voilà. Donc, la belle vie. Les... Voilà. Et bah, bougez pas, c'est dans un instant sur Skyrock, le Planète Rap avec Alonso toute la semaine. Ce soir, Skyrock reçoit Alonso Papé pour une heure d'exclus et de total direct. C'est maintenant sur Skyrock. Et c'est reparti avec le fameux La Belle Vie. Alonso, dans La Belle Vie, le quoi? RS4, pas de plaque. Magadji, c'est une Bagdad. Kalash ou le clic-clac. J'ai bu 4 packs. La Belle Vie, le zin. La Belle Vie, le zin. La Belle Vie, le zin. On a bu 12 packs. Roue avant sur le nez. Cagoule noire sur le nez. Mzingaland, tu connais? Djentjaouid, soudanais. Et on s'en bat les couilles, on va à Maranello. Le zin se marie, cheval cabré sur le capot. On a les pneus neufs, on bombarde jusqu'à la Courneuve. À 200, on sourit au flash. Permis vient des comment? Comme d'hab, j'm'en tape. Bang et meuf, tank et voilà, comme d'hab. On achète pas les airs avec de sous-table. On encule pas les airs, au cul où on se tape. La bague vend du shit, les frères ouvrent des chichas. Avec le bénef du shit, cherche à devenir au fiche. Tibi spinner pour mon fiche, pour mon chiffre. Je n'ai pas de compte en Suisse, tout est dans le m'sango de la mama. RS4, pas de plaque. Magadji, c'est une Bagdad. Kalash ou le clic-clac. J'ai bu 4 packs. La belle vie de zin. La belle vie de zin. La belle vie de zin. On a bu 12 packs. C'est la hesse, je pague en espèces. Ray de cesse, here we go, bastos dans la fortasse. Dans la bouche un chouche, sur la tête un chèche. A-L-O-N-Z, j'ai de la reprise comme un Countach. Rabat, Tupac, Malaga, Marseille, go fast. Tu payes pas, chaudasse. Tu dis que c'est Tahlel, mais c'est une chaudasse. C'est un choix de vie, le zin. Un choix de vie, le zin. Un choix de vie, le zin. Un choix de vie, le zin. Je me lâche à 15h d'appel. Soirée passée, crème sous tombée. Encore ballonné. J'affronte les problèmes, m'inganté. J'fais que Salomé. J'baroute en paquet, me suis chargé. Pas tant comme non, les amers, la BLM, wow. RS4, pas de plaque. Magadji, c'est une Bagdad. Kalash ou le clic-clac. J'ai bu 4 packs. La belle vie, le zin. La belle vie, le quoi? La belle vie, le zin. La belle vie, le quoi? La belle vie, le zin. On a bu 12 packs. Bas les pattes, j'ai le gilet pare-balles. Dans le bloc, goule le poil, Yakov, sa bibi non-stop. Et coupe-gorge, cache non, la poule aux yeux d'or, chie des lingos. Choufanigo, tilt bingo, hasta luego. Dans les Vosges, barbac, barbac. Casque charque, poule en charque, date de jack. Soirée ma jack, avec Yves et Jacques. Polo black, jean black, todo black. Trom black, ouf black, moto black. All black, tout est black. Vrai, RS4, pas de plaque. Magadji, c'est une Bagdad. Ouais. Kalash ou le clic-clac. Ouais. Serre-moi du brissap. Ouais. La belle vie, le zin. La belle vie, le quoi? La belle vie, le zin. La belle vie, le quoi? La belle vie, le zin. On a bu 12 packs. Le Planète Rap avec Alonso et ce morceau. Tu dois te régaler en concert avec ce morceau, non? C'est énorme. C'est énorme. Là, sur les showcases, tu dois te régaler avant la grande tournée. C'est la folie. Je dis la vérité. C'est le premier extrait qu'on a balancé en juin. Hein, déjà, ça fait maintenant presque 6 mois. Très bien accueilli et merci à tous ceux qui sont venus nous voir en showcase. Et voilà. Bientôt la tournée, ça sera encore meilleur. Ah, bah ça, en concert, ça va être quelque chose, à mon avis. Attends, tu peux t'asseoir tranquille, à mon avis, les gens ils la font tranquille aussi cette chanson. Hein. Attention, il y a son concurrent, hein, parce qu'il y a un morceau qui s'appelle Y'a rien à faire. Y'a rien à faire, ouais. Tu sais quoi, je peux aller dans les loges, les gens ils chantent le morceau et je reviens. Ils chantent toujours, c'est la folie. Mais en même temps, d'ailleurs aussi, et c'est assez rare, faut le souligner, sur les artistes français, parce que souvent on prend des sons américains, mais t'as vu, celui-ci a été repris aussi par beaucoup d'artistes ici de rap français. Celui-là est même. Pratiquement tous les singles, tous les extraits qu'on a envoyés. Ouais, beaucoup, y a rien à faire. Ouais. Même Tarif, Bellucci, Boîte à chaussures aussi. T'as surpris beaucoup, toi ou pas ça justement Énormément, parce que c'est pas une culture française. Ouais, ça. C'est pas une culture française. Tu sais, quand tu fais des remixes, les gens ils ont l'impression que soit tu fais le suceur, soit tu vois, ils ont pas compris encore que ça fait avancer le mouvement. Et cette année, j'ai été repris, je sais pas, peut-être une trentaine de fois. Donc ça fait plaisir et merci à tous ceux qui ont fait des remixes. En plus, j'ai posté ça sur mes réseaux sociaux, donc merci à tout le monde. En particulier que t'apprécies, sans pour autant négliger les autres, mais... Il y a un gars, je crois, qui a repris un Comorien de Montpellier. Ouais, Kadhafi, je crois que c'est... Il a repris... C'était... C'est lequel? C'était Rien à faire, je crois. Ouais, il a kické ça. Il y a U2S aussi. Ouais, c'est ça, ouais. De Beng aussi. Voilà, monsieur Abou De Beng. Voilà, qui a kické ça. Il y en a plein. Voilà, donc merci à tout le monde. Et ben voilà, c'était en tout cas la version originale, celui-ci, le premier morceau qui annonçait l'album officiellement. C'est ça. La belle vie qu'on écoutait et qui est extrait de l'album Règlement de compte d'Alonso, album numéro 1 des ventes, hein, je le dis, mais ne vous reposez pas sur vos lauriers. Si vous voulez avoir l'album, prenez-le dès maintenant. Allez, du top. Allez le choper tout de suite, allez cliquer, récupérer cet album. C'est ça. Et dites-nous quels sont vos morceaux préférés avec le hashtag Alonso sur Skyrock. Dans un instant, on mettra un autre titre juste avant. Mm-hmm. Je te présente, c'est Yanis, F2L de Sartrouville. Salut Yanis. Ça va quoi Fred? Et toi? Ça va, tranquille, ça fait longtemps. Hein. Ça fait un petit moment Yanis. Ouais, c'est t'étais venu la dernière fois, c'était pour... Tu connais? Mais oui, il était venu au Planet Rap Live de Soprano. Ouais, très original d'ailleurs ce Planet Rap. Qu'on avait fait il y a quelques mois. Il avait même kické sur scène, Yanis. Ok, ça me dit. C'était pas le jour où tu étais, je crois pas. Je t'aime pas du bonjour. Mais j'ai suivi. Ça va, tu vas bien? Ouais, attends. Nickel, mais j'ai suivi le Planet Rap de Sopra quand même. Et bah Yanis était venu rapper sur la scène là de l'endroit où on se trouvait dans le 18ème. Ça va, c'était bien Yanis? Ouais, ça va, c'était propre, franchement propre. Est-ce que tu as récupéré l'album d'Alonso? Bien sûr. Mytho va. Ça c'est obligatoire. Ça. Vrai ou faux, Yanis? Tu l'as. Non, c'est vrai, ça. C'est passage obligatoire. Yanis, ça. Tu fais partie des 50 000 personnes qui ont acheté ce disque le premier jour. Waouh. Exactement. Eh ben, terrible. Franchement, il y avait des bons. Franchement, il y avait des sons lourds. Merci. J'étais obligé de craquer et d'aller acheter direct. Merci, Simer. Eh ben, on va t'écouter rapper maintenant, Yanis. C'est parti. Vas-y, c'est parti. C'est l'heure du freestyle par téléphone et chaque freestyler repart, on le disait, avec cette magnifique chicha électronique. Voilà, c'est la folie. Yanis, quand tu veux. Vas-y. Go. Ok. Yanis FBZL. Blah. Ok. À Londres. Skyrock. Ok. Check. Carte de l'ombre. Flemme crew, 2-0-15, funeste, 1, check, 1. T'es un Renault, fils de pute, moins classé. T'es jeune, t'es riche, t'es effacé. Je vais tellement vite que tu vois pas passer. Regarde en mal, je vais sa mère. Aussi simple à dire qu'à faire. Tout le monde s'habille, ça n'a pas encore fini. C'est pas la halle, c'est ça, les salaires. On est que deux depuis le début. T'as vu le putain de flow que j'ai débite. Pendant chez moi, l'oseille coule à flow. Chez toi, il pleut, débite. Ok, nique sa mère, je vois mon code d'origine. Tu fais le blander, tu ne l'es pas. Pas, je te casse en même si t'es rigide. Les connes pas de bouche, donc arrête de les pas. Un petit peu rapide, tu te prostitues. Pendant que dans la rap, j'ai la prostitue. Bientôt la fin du game, réécu, ça s'est pas été connu. Qui es-tu? Sombre gentiment dans l'inquiétude. Moi j'ai trouvé ta place. Tu seras le dernier des derniers des derniers des fils de pute de rapace. Brrr. Ok Yanis, F2L à l'instant au micro. Merci à toi Yanis. Bravo. Applaudi par le studio de Planet Rap à l'instant Yanis. Petite dédicace, un petit message à passer. Dédicace. On t'écoute. Alors à toi. Ah. Si. Yanis, tu es là? Tu es parti? Poteau? Ouais, je suis là. Alors, je retourne à Sofiane, Kimberley, Amel de Bordeaux, Antonin, Julie, Eliette et tous ceux qui me soutiennent. Dimanche, il y aura un gros clip à 14h au Vieux Pays, le clip de Uzi, pour mon premier clip, le premier extrait de Funeste. Ça va être très très très lourd, j'attends le maximum de gens. Eh ben, on suivra ça, merci à toi. Force, force. Passe une bonne soirée, Yanis. Porte-toi bien, Yanis. Bon courage. Ciao. Et à très vite du côté de Sartrouville sur Skyrock, c'est le Planet Rap avec Alonso, l'album Règlement de compte à découvrir. C'est qu'est-ce ça. Qu'on met comme morceau? On laisse le choix à Spike ou cette fois-ci tu veux reprendre le contrôle, Alonso? Je vais reprendre les rênes. On va envoyer Carré VIP. Carré VIP? Exactement. Un petit mot sur Lucie, il est arrivé quand dans la construction de l'album? Oui, il est arrivé assez tôt. Ouais. Je crois qu'il est arrivé à peu près en même temps que La Belle Vie. Franchement, on voulait le balancer à chaque fois. On disait non, faut le garder pour le disque. Faut laisser un peu de pépites, tu vois. Donc voilà, c'est une grande leçon de rap pour les rappeurs français, ce morceau. Sur écoutez le prod bien. De Abyss One et Zaka 2054. Aïe. Vrai. On est 10, 20, 30, 100, 1000, que des hors-la-loi. Cartes volées, billets violées, on demande à boire. Que des Arabes et des Noirs. Que des Arabes et des Noirs. Laisse-nous danser, laisse-nous danser. Laisse-nous danser, je répète, laisse-nous danser. Les que le rap français, les que le rap français. Les que le rap français, j'ai dit les que le rap français. Survêtement ligue des champions Asics. Tous dans le carré VIP. Bijoux de famille, bracelets électroniques. Tous dans le carré VIP. Tu fais ça, tu manques le Kassim. Pour rentrer dans le carré VIP. On n'a pas mangé à la main, dans la même marmite. Sors du carré VIP. Carré VIP. Ouais. Carré VIP. Ouais. Comme ceux du carré vert dans le carré VIP. Carré VIP. Ouais. Carré VIP. Ouais. Comme ceux du carré vert dans le carré VIP. Jawara, Makelele, Bonobo, Ronaldinho, t'es capoté, j'fais un bébé, j'vais le fêter, comme bébé d'eau. Wesh le zin, j'suis de raisin, sans la machine, y'a tout le grappin. Carré rose dans le carré VIP. Semelle rouge, il est bien qui pique. Un billet dans le trou, un billet dans le trafic. C'est que le mec boom, je fais que des classiques. T'es pas le mec lourd, tu vas que des combiques. J'contrôle mes genoux, une semi-automatique. T'as des punchlines, j'ai des punches line. T'as ta queue dans ton quartier, dans ta campagne, pas des zigzags. Déposé au champagne, pas des zigzags. Demain ça y en Espagne, à part notre beat. Rien découpé, même pas notre shit. Coup de fil, coup de rein, frère, on est nique. Même notre amour, un goût illicite. Wesh le zin, tout sous le coussin. 100 000 euros, un billet de vin. J'rentre en moto, chez Pierre Cardin. Dans le logo, j'suis au casin. Dans le carré VIP, bijoux de famille, bracelets électroniques, tous dans le carré VIP. Tu fais ça, tu m'appelles Kassim. Pour rentrer dans le carré VIP, on n'a pas mangé à la main, dans la même marmite. Sors du carré VIP. Ouais. Carré VIP. Ouais. Carré VIP. On brasse comme ceux du carré vert dans le carré VIP. Carré VIP. Ouais. Carré VIP. Ouais. On baisse comme ceux du carré vert dans le carré VIP. On bouge en équipe, on a du liquide, on a les bolides, mes bordels de merde. Depuis 2008, tu demandes un beat, si c'est moi la bite, j'ai dit non quand même. Je rentre dans ses cuisses, elle crie de panique. Mais ouais, c'est l'Afrique, tout est naturel. Si tu t'éminiques, y'a le P38, on se voit de suite, on règle le problème. Les codes prennent en photo, mix sa mère. On voit en coulant potent, mix sa mère. Le salaire à Cristiano, mix sa mère. Ça va le béton potent, mix sa mère. On a les chicots qui dépassent des lèvres en moto, quand ce bon, quand se passe à la caisse, on t'agresse arraché comme une dame de sagesse. On vous baisse, on vous baisse, on vous baisse, capite et capot. Explosion capillaire, on met des Nike Air. Le tour du monde en câble cellulaire. Plus de place dans le cœur, il y a épais. On a trop de belles VDR. On met en or, pas d'argent de genre. Chez la nourrice, des lingots d'or. Et on a fait aucun effort, on est venu en tennis sport. Survêtement ligue des champions Asics. Tous dans le carré VIP. Bijoux de famille, bracelets électroniques. Ouais, mais on est en 2054. C'est une leçon de rap, papé. Carré VIP, on a pas mangé. Sors du carré VIP. Carré VIP. Quoi? On brasse comme ceux du carré vert dans le carré VIP. Carré VIP. Quoi? Carré VIP. Quoi? On baisse comme ceux du carré vert dans le carré VIP. Survêtement ligue des champions Asics. Tous dans le carré VIP. Bijoux de famille, bracelets électroniques. Tous dans le carré VIP. Tu fais ce rap, tu m'appelles Kassim. Pour rentrer dans le carré VIP. On n'a pas mangé à la main, dans la même marmite. Sors du carré VIP. Carré VIP. Quoi? Carré VIP. On brasse comme ceux du carré vert dans le carré VIP. Carré VIP. Quoi? Carré VIP. Quoi? On baisse comme ceux du carré vert dans le carré VIP. On brasse comme ceux du carré vert sur Jupiter, mamé, sur Jupiter. Dis-le. On baisse. dance comme ceux du carré vert dans le carré vide. Vrai, le son de la mala. Carré VIP à l'instant sur Skyrock. Aïe. Est-ce que justement toutes les sonorités qui sont arrivées, alors c'est vrai qu'on a beaucoup parlé ces derniers temps du trap, tu t'es reconnu un peu plus sur ces sonorités, ça t'a aidé à passer aussi un cap ou Non, même pas, tu sais, la trap musique, c'est un courant musical qui est venu, qui va repartir. Le but, c'est de rester. Voilà. Tu vois, on a bien vu l'époque new-yorkaise avec les violons. On a vu l'époque de Dr. Dre avec son son très spécial. Tu vois, Timbaland aussi à une époque. Timbaland aussi, tu vois. Et la trap, c'est pareil. À partir du moment où tu es un 4x4, moi, je sais accélérer, je sais ralentir, je sais envoyer des messages. La trap, ça va partir demain. Moi, je vais rester. Bah oui, c'est vrai que c'est par cycle, généralement. Spike. Exactement. Toi, ouais. c'est quelque chose, justement, tu avais une oreille forcément dessus en tant que producteur. Mais sur tout ce qui se passe aux États-Unis ou. C'est quoi, on a vraiment fait ce qui nous faisait plaisir. C'est-à-dire, même comme le son d'avant, La Belle Vie, il a rien à voir avec Carré VIP. Mais ça reste actuel. Tu vois, on a fait, c'est un album, c'est pas un album qu'on a fait il y a 3 ans. C'est un album qu'on a fait il y a que quelques mois. Donc, voilà, on se faisait plaisir. On avait envie de faire un son, voilà, club. On faisait un son club, un son, voilà, c'était vraiment au feeling. Comme que ça soit au niveau des prods, au niveau des thèmes, des refrains, c'était futuriste. Au feeling. C'est nouveau. Ouais, j'ai demandé aussi ouais sur les paroles, sur les thèmes, il y a des choses sur lesquelles tu faisais un petit peu gaffe, il y a une censure, ce que j'appelle une auto-censure, de faire gaffe à ce que tu disais ou non, tu sais, on fait de l'art. Tu sais, c'est important d'être libre, tu vois. Aujourd'hui, c'est important de dire aux gens que c'est d'entertainment, c'est du divertissement. Où j'essaye d'être juste, c'est quand je délivre des messages. Comme le morceau éponyme de l'album RDC, où je parle de faits réels. Là, je fais très attention à ce que je dis parce que ça concerne beaucoup de gens, tu vois, notamment à Marseille. Là, j'essaye à Marseille. Tu vois, là, j'essaye d'être juste. Mais après, tu sais, c'est de l'art, hein. Tu sais, quand tu rentres dans une salle de cinéma, il y a Denzel Washington qui défouraille. Je te dis pas, je vais faire la différence entre sa vie et entre l'acteur. Tu rentres, tu prends des pop-corn et tu regardes le film, tu repars chez toi. Comme les concerts ou les showcases, tu viens, tu passes un bon moment, tu ressors à la patate. Exactement, voilà, exactement. Non, mais ça, parce que surtout en ce moment, il y a trop de gens, ils aiment trop mélanger les sauces, disent ouais, pourquoi tu racontes ci, pourquoi tu racontes ça, c'est pas bien. C'est pour ça que je te disais ouais sur l'autocensure. Donc et c'est vrai que de la part aussi comme tu viens du groupe des psychiatres, il y a toujours aussi pareil un discours particulier, même si là c'est ton solo, donc c'est différent. Donc voilà, c'est pour ça que je te demandais s'il y a des choses auxquelles tu faisais plus gaffe que d'autres ou non. Mais jamais, je me suis jamais censuré. Même des fois, il y a des choses qu'il écrivait. Comme ça, on rigolait, ils disaient, mais non, on va pas garder, non, c'est peut-être trop vieux. Je dis, non, laisse, on verra plus tard. Et au final, c'est resté. Même chez les psychiatres. Même chez les psychiatres, à chaque fois, c'était. On entendait mon couplet, Vinci Soprano, me disait, putain, allons, mais on va pas passer à la radio. Tu es plein de nique sa mère, tu es plein de. Voilà. Bon, après, voilà, chacun sa personnalité aussi. C'est ce qui fait la magie c'est d'un ce groupe. Fait la magie d'un groupe. On peut pas tous être bleus. Ah bah si. Il y a des sopranos, il y a des Vincenzo, il y a des Alonso, et ça c'est la magie des psychiatres. Et c'est pour ça qu'on fait des albums solo pour élargir notre public. Et on a des personnalités différentes. Et c'est important de s'exprimer à travers nos disques solo. Règlement de compte, c'est l'album qui est sorti aujourd'hui. Déjà numéro 1 pour Alonso. On le découvre, on fera tourner la roulette aussi dans un instant. Inscription 41759. Des places non pas pour aller voir Alonso cette fois-ci, mais pour aller voir Black M dans quelques minutes. Et puis la tournée d'Alonso. C'est le poteau, Black M. Pareil. Pareil. Avec plaisir. Big up. Ce sera chopé dans un instant. Alonso, le début de la tournée, c'est le 13 février du côté de Nantes, à pas louper. Il y aura la Cigale aussi le 23 avril. Il y aura le Dôme de Marseille. À domicile. La première fois en solo. En solo, ouais, première fois. Je l'ai fait souvent avec mon groupe. Là, c'est la première fois. Moi, je t'avais vu, c'était La Franchie, hein, où t'avais fait les concerts. Le dernier que j'ai fait à Marseille, c'est au Moulin. C'était Moulin, ouais. C'est au Moulin, le dernier. D'ailleurs, c'était mémorable. Et là, on a décidé de. On passe un cap. Passer un cap. Et ils vont répondre présent. Ils vont répondre présent. Donc c'est le 6 juin côté de Marseille au Dôme. Et puis plein de dates, hein. Pontoise, Colmar, Nancy, Perpignan. Elles sont toutes sur les réseaux sociaux. Allons-y, on peut suivre. Exactement. On peut avoir toutes les dates précises. C'est ça. Avant de faire tourner la roulette, on met un petit dernier morceau pour ce soir. Allons-y, qu'est-ce qu'on met? Alors, Spike Miller, P. Diddy. Tu es comment? Moi j'entends dans les oreillettes, il n'y a rien à faire. On me dit, il n'y a rien à faire. Je sais pas, il y a beaucoup de demandes pour rien. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont aimé le feat avec Gradure, Brinks. Il y a beaucoup de gens qui ont aimé aussi Merci. Avec la crime, ouais. Merci. Merci avec la crime. C'est quoi, on est lundi. C'est quoi, on est lundi. On va parler des ennemis lundi. Comme ça, on parlera plus d'eux. Des haters, c'est ça qu'on appelle ça comme voilà, ça. Les mecs qui, tu vois, tu sais, sur Internet, j'ai plein de directeurs artistiques. Fais ci, fais ça. Oh, t'as changé. T'es comme ci, t'es comme ça. Ils parlent. Bah, c'est un peu comme le foot. On est parfois 60 millions de sélectionneurs. Quoi, tu vois, il fallait que tu fasses fallait que tu fasses rentrer telle personne. Voilà, c'est pareil. On a fait un morceau pour eux. On va les remercier lundi. Et après toute la semaine, on va remercier le public qui fait qu'aujourd'hui, je suis encore là. Donc on envoie le morceau avec la crime. Merci. Merci. Et allez, c'est parti, c'est Avance. Et c'est sorti aujourd'hui cet album Règlement de compte. Aïe. Chez nous les guéris laissent les cheveux longs comme en série. On s'en bat les couilles, on fait des sous, augmente la TVA. Tu t'approches du trou, je me rapproche de la Bugatti. T'as la corde au cou pendant que je fournis que toute la nuit. J'ai du rap, j'ai de la drogue, je sais plus quoi dealer. Je n'attendrai pas que la nuit tombe pour venir t'allumer. 1 million d'euros valent 1 million d'ennemis. Pas demander à Maître Gim si il dort bien la nuit. Ennemi, je les aime trop mes ennemis. Magnifiques sont mes ennemis. Je remercie mes ennemis. Ennemi, ennemi. Je remercie mes ennemis. Si t'as peur des miches, t'as aussi que tu n'as pas assez de bif. Je ne compte pas quand il s'agit des poteaux, c'est la mif. Tu me portes l'œil pendant que je porte du Givenchy. Mets-toi la corde au cou si tu peux pas supporter ma vie. Écoute, tu twerks, écoute, tu pries, tu sais plus quoi tweeter. Dis dans la concurrence que ce matin je me suis mal réveillé. 2 millions de disques. 2 millions d'ennemis. Va demander à Stromae si il dort bien la nuit. Ennemis, je les aime trop mes ennemis. Jupiter mame, trop loin. Quatre mame. Je remercie mes ennemis. Ennemis, ennemis. Je remercie mes ennemis. Ennemis, ennemis, ennemis. Celui-là, faut le faire. Car lâche, pas peur de l'enfer. Plaquet 13, paquet 13. Vivre ici, un paquet de stress. Marcher tranquille, ouais, ça n'existe plus. Ton meilleur ami n'était qu'un fils de pute. Demande à Malo, comment récalo. Ta meuf donne le gant, t'es sur un pédalo. Même un mécano peut finir endetté. La crise. Tu verras, tu seras endetté. T'as bien mangé, tu seras chépé. Petit frère peut te faire en GP. T'as les armes, on a les mêmes en mieux. Tu fais des sous mais tu fais plein d'envieux. On aime le soleil, on ne craint pas la pluie. Dis la bec à Simon, ne dors pas la nuit. Ouais. Ennemis, je les aime trop mes ennemis. Magnifiques sont mes ennemis. Je remercie mes ennemis. Ennemi, ennemi, ennemi, ennemi, ennemi, ennemi, ennemi, ennemi, ennemi, ennemi. Je remercie mes ennemis. Ennemi, ennemi, ennemi. Vrai. Souleymane Beat, Yacine, Jupiter, Mame, Maroc. 2054, Mame. C'est le règlement de compte du rap français. Rappelle-toi de la date, 26 janvier. En King, Uno, Ré, Vrai. C'est Alonso toute la semaine avec nous entre 20 et 21 avec cet album Règlement de compte. On peut pas remettre ? Ah, je l'aime beaucoup ce morceau. Il me chauffe pas, hein, je le remets direct. Hein. Ah, je l'aime beaucoup. Merci avec la crime. Bah, tout à l'heure, on parlait justement des réalisateurs. C'est vrai que la crime, pareil, s'entourait de corps. C'est vrai que c'était un super album aussi, celui de la crime. Exactement. Et c'est important voilà, qu'il y ait des albums comme ça aussi en rap. On parlait de tout à l'heure de Lino qui a pareil été numéro 1 avec son album. C'est ça. C'est important pour tout le monde. Tu vois la différence, tu sais, les réalisateurs ils sont là pour te pousser. pour t'amener loin. C'est pour explorer des choses que peut-être toi, tu ne vois pas ou tu n'as pas le courage parce que tu ne te vois pas dans ce registre-là. Tu vois, ils sont là pour ça. Et la cohérence du disque, que ce soit au niveau de la musicalité ou au niveau du discours. Eh ben, on va pouvoir découvrir ça toute la semaine et ceux qui l'ont déjà connaissent un petit peu Règlement de Compte. Donc dites-nous, envoyez des messages sur Règlement de Compte avec le hashtag Alonso sur Skyrock. Aïe. Un petit mot aussi sur Lacrim, tu voulais dire un petit mot sur Lacrim qui t'accompagne sur ce Lacrim, ben, c'est quelqu'un que je connais, comme je dis, tu sais, c'est le mec du 9-4 le plus marseillais. C'est vrai. Voilà, on s'est croisé souvent à Marseille. Je trouve que sa progression est spectaculaire parce que c'est quelqu'un qui est pas dans le rap, ça fait autant de temps que nous, tu vois. Et de mixtape en mixtape, tu vois, il a progressé très rapidement et aujourd'hui il fait partie des gros. Donc respect à lui, Inch'Allah que ça continue pour lui. En tout cas, moi j'aime beaucoup. Ouais, je crois qu'il reviendra d'ailleurs avec un projet là pour 2015. Ouais, il charbonne beaucoup. Je pense qu'il va pas laisser ça comme ça. Il va revenir. Alonso avec nous toute la semaine entre 20 et 21. Alonso, il y a eu un concours qui a été lancé aussi. Ouais. Le concours ouais. Hashtag RDC. C'est ça, en freestyle. Mon morceau préféré de l'album, RDC, le morceau éponyme. Donc en fait, pour rappeler le concept, c'était d'envoyer... On a balancé l'instru sur le net. Et de t'envoyer des remixes ou des... Voilà, à leur manière. À leur manière. Tu vois, sans pour autant écouter la version originale. C'est ça qui était intéressant. Est-ce que tu en as reçu beaucoup? On en a reçu énormément. C'est vrai. Voilà, on a fait un peu le tri avec l'équipe. Déjà, on remercie tous ceux qui ont envoyé leur démo. Et il y a eu trois gagnants. Il y a eu ALP, voilà, du 9-4. Il y a eu Debza de Nancy et Ténor de Marseille du groupe Pléiade. Donc voilà, tu vois, en plus, ça fait 9-4, Paris, c'est-à-dire Nancy, Marseille, c'est un peu de partout, c'est bien. Et ils viendront donc là dans la semaine. Dans la semaine, ils viendront pour freestyler. Ils vont être contactés, je dis ça, ils vont être contactés. Ils vont être contactés, bien sûr. Ils vont être contactés, vous allez venir dans la semaine pour. Exactement. Pour lâcher un petit freestyle. Ouais, un petit freestyle. Un petit style libre. Un petit style libre dans l'émission. J'apprends une bonne nouvelle. Ouais. C'est que, enfin, une bonne nouvelle, pas pour lui, mais Difool est bloqué dans les embouteillages. C'est une bonne nouvelle pour nous, puisqu'on a le temps de remettre un morceau avant de se quitter. Mais Difool, Inch'Allah, que le taxi crève la roue. Mais c'est lui qui conduit. Ah, c'est lui. Inch'Allah, que tu crèves, voilà, la roue. Voilà, que tu fais carrément des bruits de bielle et que tu sais quoi, tu en panne et voilà. Des bruits de bière, c'est pour Marie, ça. De bielle. Tu sers ton moteur. Carrément. Ouais. Non, je vois, il m'envoie un message d'un cadeau pour Alonso. Il te fait un petit cadeau en début de semaine. Ben, merci beaucoup. Donc, on t'attend pour quelle heure? 21h30? Non, on a jusqu'à quelle heure? 22h. Non, là, je pense qu'il devrait plus tarder. Il est dans le coin, mais on attend de rajouter un dernier morceau avant de faire tourner la roulette. Ben, on va mettre RDC, vu qu'on parle du concours. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Tu vois que je suis connecté. Hein. Tu vois un peu la stratégie. Il est bon. C'est mon morceau préféré. Voilà. On balance alors. De l'album, c'est mon morceau préféré. Je pense qu'il y a. Pas grand chose à dire, je vais me taire et je vais laisser les gens écouter pour ceux qui l'ont pas encore écouté. Allez, c'est parti. Et juste après, on retrouve aussi la radio libre de Difool. Et la roulette qui tourne. Marseille. J'ai soufflé mes 30 bougies. J'ai perdu au moins 30 frères. J'entends chanter le Uzi. Les paroles, je les connais par cœur. Même quand on fait rien, on meurt pour rien. Un petit peu de hardcore. Grande famille, grandes histoires. Plus de coups de pompe que de coups de main. Voilà, on est lâche. Y'a que quand on pleure qu'on se cache. On frime même quand on est recherché. Y'a-t-il encore quelqu'un de sensé? Fuck le haut. Tout ça nous empêche de faire le haut. Marseille c'est une grande chasse à l'homme. Et Ya Rahmo. Et Ya Rahmo. Au feu rouge un coup de feu résonne. Je pense à la daronne. Au comptoir y'a Lucifer. Un ancien boit sa bière. Et y'a les mecs des alentours qui cherchent ton frère. La drogue a fait connaître le quartier. Les petites sœurs sont excitées. De mon respect est mort à la guerre. Qui prétend ne pas craindre l'enfer. Alors, alors, combien on en a vu qui sert. parle seul assis par terre. J'ai mis au monde des enfants dans une ville endiablée. J'aperçois mes cheveux blancs. J'espère mourir avant le dernier. Quel frère passera pas l'hiver? Pour un regard tu peux y rester. À qui je dois de l'argent? C'est quand qu'on se met à prier. Je te jure qu'on se gâche. Je sais même plus si c'est du rap que je te crache. Nos pères vieillissent donc hospitalisés. On a du mal à se maîtriser. Je perds mes mots. On n'est rien sur terre, fais pas le gros. Comporte-toi comme un homme. Ne reste pas beaucoup de temps, Marie. On n'est que de passage. Hey. Elle a fait des sacrifices. Il a fini au pommettre. La prison, ça rend pas service. Il ressort, il met son survêtre. Son mari va la quitter pour cette pute serveuse. On vit dans une ville hantée où les apparences sont trompeuses. Voilà que c'est hard. Déménage, prends ta famille, bombarde. Les muslims font des rappels pour nous calmer. Les CRS sont à l'entrée. Hey, c'est chaud. À dire qu'au bled, ils donneraient leur peau pour venir à Baltimore. Hey, c'est le zoo. C'est le zoo, y'a des rugissements qui résonnent. Je crois que c'est la daronne. Paix à nos daronnes. Elle souffre nos daronnes. Mamé. RDC, MARS, quartier Nord, à 1 mm de la réalité, moi. RDC à l'instant pour illustrer un petit peu ce qu'on disait sur justement les paroles, sur les thèmes et sur ce que voilà sur ton écriture parfois où tu faisais aussi. Ah, je m'envole, tu sais, j'ai fermé les yeux, j'étais plus là quand j'ai écouté le morceau. RDC, règlement de compte, c'est le nom de l'album d'Alonz. Merci pour cette première soirée. Merci beaucoup à toi. Juste avant de se quitter, on fait tourner rapidement la roulette et la bonne nouvelle c'est que Difool est arrivé. D'après ce que j'ai entendu, c'est pas une bonne nouvelle pour tout le monde. J'ai bien entendu le crâne. Tu es déjà là, Je t'ai dit que tu crèves tes quatre roues. Ah. La bielle, tu fasses couler la bielle. Voilà, tout le bordel quoi. Ouais, j'ai bien vu, Alonzo. En violent et en direct, tu es là? En direct, ouais. Tout je fais tourner rapidement la roulette et on arrive tout de suite. Eh ben, tout de suite, c'est parti. Skyrock t'offre la tournée de Black M dans toute la France. Laura d'Orléans, ça va bien, Laura? Ça va et vous? Eh ben écoute, en pleine forme avec Alonzo toute la semaine, c'est son planète rap, RDC, règlement de compte. Ouais. Et bonsoir. Toi, tu es prête à faire tourner la roulette avant de retrouver Difool juste après, Laura? Oui. Bah, Difool qui est là, on l'a entendu. Ouais, il est forcément embouteillage. Ouais. Ce qu'il nous a dit, mais peut-être qu'il faisait autre chose. J'écoutais Alonzo, c'est trop. Bon. Dans la voiture, c'est vrai que c'est bon. C'est vrai, c'est bien. Hein. Ça passe. Hein. Ah, ça passe. Et pour toi aussi ça passe, Laura, c'est Black M, la tournée qui passe près de chez toi, il y a deux places qui t'attendent, Laura, c'est fait. Ah, top, merci. Et ben de rien, je te fais des bisous, Laura. Ouais, merci beaucoup, bonne soirée à vous. Bonne soirée à toi. Bonsoir. Et bonne soirée à Londres, merci Spike Miller qui était là avec merci nous. Beaucoup merci beaucoup pour cette première, l'album est dans les bacs. Ouais, numéro 1 déjà. En king, numéro 1 king. Toute king. La semaine en king. Voilà. Merci à Londres, demain le retour un petit peu avant 20h, et là donc Difool, et oui. Qui n'a ni fait couler de bière, ni crevé ses quatre. Marie a suivi tes conseils. Elle a fait couler les bières. Elle a fait couler les bières. Ouais, ça, tu sais, hein, tu connais. En tout cas, Alonzo a des albums les plus attendus de ce début d'année. Ouais. Et on comprend pourquoi. Alonzo à découvrir tous les soirs, 20h, 21h, dans Planète Rap. Tu l'as acheté? Non. voilà. Ah, je suis franc, hein. Et voilà. Je l'écoute dans Planète Rap. Ça commence mal. Voilà. Ça commence mais Romano mal. Va aller en acheter pour toute l'équipe. Bah, bien sûr, ça va être nos cadeaux. Ah, bah, j'y vais demain, là. Tu sais que c'est Romano qui achète tout le temps. C'est Romano qui achète pour tout. Pour moi, le financier de l'équipe. Mais il faut peut-être l'accompagner un peu parfois à Londres. Tu veux pas envoyer un mec musclé à l'accompagner? Je vais envoyer Sid. Ça l'aide un peu à sortir le portefeuille. À sortir le bifton. On va venir te voir avec Sid. Tu vas voir, tu vas vite aller l'acheter. Il va nous voir dans la semaine, Alonso, d'ailleurs. Il n'y a pas de souci. Ouais, on t'attend. En tout cas, on te retrouve dès demain à partir de 20h. Même ouais. Juste avant 20h pour pas louper tout ça. Le Planète Rap d'Alonso. Exactement. C'est toute la semaine, vous étiez plein à l'attendre. Et ben ça y est, il est là, Alonso. Ouais. Et puis t'as du monde en bas aussi qui t'attend. Oui, en plus. Ah ouais, vous avez vu ouais, oui. On a vu. Wow. C'est tout pour toi. Bah ouais. Tout. Merci, Alonso. Ça fait plaisir. En tout cas. Bah, merci aussi, à tout le monde. Plaisir. Rendez-vous demain, 20h pour Planète Rap. Fredo, rencard demain aussi. On te retrouve aussi demain matin après le morning. Voilà, à partir de 9h, 9h15. Ouais, 9h10, 9h15. Prenez votre temps. Tranquille. N'hésitez pas à prendre votre temps. Ça laisse à Fred le temps de se réveiller. C'est ça. Et de finir mon footing surtout. Évidemment, on sort. On est sportif, on l'est pas. Ah bah attends, tu savais pas. Une heure avant l'émission du matin à 9h. C'est vrai ? Je viens en courant d'ailleurs. Carrément. En t-shirt. C'est pour être en pleine forme. Incroyable, hein ? Incroyable. Dans un instant, ouais, tiens, on va écouter Coco. Oti Genesis. Ouais. Version non censurée. Son, ouais. Enfin ouais, censurée, version non clinée, on appelle ça comme on ça. Ouais. La version originale de I'm in love with the Coco. Ah ouais, t'aimes bien toi aussi? Ouais, je kiffe. Ouais, et ben on va se faire plaisir. Des gâteaux et tout dans le clip, à la nouvelle version. c'est bien ça. Oui, oui. Oti Genesis, c'est comme ça qu'il s'appelle, le rappeur d'Atlanta. On le retrouve tout de suite pour démarrer la soirée. Puis on vous attendait maintenant au 01 53 40 30 20. Vous nous appelez, toute l'équipe est là. En pleine forme, d'après ce que je vois. Ça fait plaisir de vous retrouver. Vous allez donc sur le 41759, l'appli Skyrock, les réseaux sociaux de Sky, et puis on vous retrouve tout de suite juste après Oti Genesis. Yes, c'est parti sur Skyrock Radio Libre. Salut Alonso. Ciao. Ciao. Premier sur le cash.